quel que soit le gouvernement considéré, qu'on l'élise ou qu'on le subisse, qu'il soit basé sur l'Église ou qu'il soit basé sur la police, il se fonde, ce gouvernement. Tout bien considéré, il se fonde sur quelques livres. Sur quelques livres. Quelqu'un rêvait d'une bibliothèque tout en verre, transparente, accès direct par la tangente. Quelqu'un rêvait d'une bibliothèque sans mur, transparente, accès direct et plus si entente. C'est une politique. On y pense. C'est une évidence. Une politique. Mais certains souhaitent en finir avec les ondes d'ombre. Mais certains souhaitent en finir avec les ondes d'ombre. Venez, c'est par là. Nous y voilà. Entrez. Entrez seulement. Mais silence. La bibliothèque est un lieu de silence. Et veuillez, je vous prie, chausser les patins, s'il vous plaît. Le parquet ne supporte pas les éclats. Et veuillez, je vous prie, chausser les patins, s'il vous plaît. Le parquet ne supporte pas les éclats. Les étagères aussi sont en bois. Des volumes, des pages et des pages. Ça sent le livre. Ça sent parfois les organes. Mais sur quoi construit-on les bibliothèques ? Ici l'on conserve, ici l'on entasse, pair, impair et passe. Ici l'on conserve, ici l'on entasse, pair, impair et passe. Double porte en verre, porte automatique. Il est possible de tout verrouiller, de tout cadenasser. Il ne faut pas laisser trop de champ à l'incendie. À l'incendie. Que les livres lui suffisent, sauvons la bâtisse. Il faut toujours conserver, constituer, étendre le stock. Il faut toujours conserver, constituer, étendre le stock. Sous les grandes poutres en fer sont plastifiées des indications. Je n'arrive pas à les lire. L'atmosphère est feutrée. Poutre de fer, porte vitrée, sol en bois, partout des tapis. L'atmosphère est feutrée. Mais quel est ce bruit ? Le parquet qui grince ou la pensée qui luit ? On entend des craquements. Ça grince. Ça siffle. Et ça tapote. Quels sont ces bruits ? Mais quels sont ces bruits ? Frottement. À nouveau, le bruit des pas. Résonance contre les parois. Résonance au fond de la salle, une cadence. Mais un bruit monte de sous la table. Ça grésille. Ça crépite. Tour de satin. On entend le bruit des étoffes. Oh, oh, oh. Et là-bas, une voix claire et nette. Et nominé. on dirait un coffre-fort, un monument aux morts. La bibliothèque, il faut lui faire son sort. Avec des animations. Animations. Demain, une lecture. Demain, une conférence. Je n'ai rien demandé. Demain, une conférence. Libre accès, pique-nique autorisé. Les enfants aussi sont les bienvenus ici. Exposition, visite guidée, journée découverte. S'instruire en s'amusant. Pique-nique autorisé, exposition, journée découverte. Les enfants aussi sont les bienvenus ici. Libre accès, s'instruire en s'amusant. Voici le gong. C'est l'heure de fermeture. Il est temps d'ériger l'invisible clôture. Ça pourrait saturer. Tout ce savoir ramassé, tout ce savoir entassé, et sans doute aussi beaucoup d'ineptie. Tout ce savoir classé, tout ce savoir amassé, s'il tombe aux mains de qui? Il ne restera plus un livre dans la bibliothèque, plus que des rayonnages emboîtés, vide et des machines à compter innombrables. Un homme est seul parmi les livres. Que fait-il au milieu de ses travées? Il consulte sur place. Son exemplaire a disparu. Il reste sur place, puis il disparaît. Les utilisateurs se répartissent en catégories. Les utilisateurs se répartissent en catégories. Vous voilà aussi emprunté. Si seulement on pouvait feuilleter, j'ose, excusez-moi mademoiselle, j'ose, mais qu'est-ce que ces pages? Pages annotées, pages arrachées, pages soulignées, pages cornées. Excusez-moi, mademoiselle, mais qu'est-ce que ces pages? Salissant le boniment, elle stabile au boss les documents. Les utilisateurs se répartissent en catégories. En catégories. Sont nombreuses les collections. Il y a les temps, il y a les fonds, Elles sont nombreuses, les collections. Tout est bien séparé, de rayons en poutrelles. Nous ne sommes pas à Babel. Je ne connais que les titres, les tranches, les étiquettes. Cela suffit dans ma position. Je suis ici chez moi. Intérieur, patin, pantoufle, je garde mes moufles. Que l'on me donne le grand catalogue. Que l'on me donne le grand catalogue. Dans le répertoire, ce n'est pas un grimoire. Je trouve des listes, mais pas encore d'histoire. Tout est classé, noté, microfiche, facsimilé. Il m'en faut une copie. Où aller muni de ce papier? Il me manque les mots-clés. Les mots-clés. Auteur, titre ou sujet et différents de critères ou titre et sujet inférieur à critères. Est différent de X ou auteur égal à X et sujet ne contient pas critère ou titre et sujet différent de critère et ne contient pas X ou auteur différent de sujet et contient titre ou critère et X inférieur à auteur ou sujet et titre différent de critères et égal à X égal à X égal à X. Le livre de sable, rien. Rien. Labyrinthe à profusion. Minotaure en infusion. Désordre, embarras. Tracasserie, dissuasion. Embarras, tracasserie, désordre. Dissuasion. Porte sans clé. Clé qui ouvre trop de portes. Le livre est épuisé. Il n'y a point de labyrinthe dont on n'ait pas perdu les clés. Il n'y a point de labyrinthe dont on n'ait pas perdu les clés. Il faut en sortir autrement. autrement. Je vais demander de l'aide. Il me faut de l'aide. De préposés bondissent, sautillent et se collent à moi. Non, pas eux, je les connais. Ils rient, ils font des bulles. Je n'ai qu'à cocher, signaler, dérouler. Non, pas eux. Ils rient et puis tournent boule comme des pétanques et disparaissent. Je me place devant un poste de consultation. Menu, interface facile d'utilisation. Je lis le mode de fonctionnement. Il s'agit de... Je ne comprends pas. Pourtant, je lis le mode de conditionnement. Borne informatique. Service en ligne. Où est le dépôt? Mais c'est en libre accès. Je me rends au guichet. Voici un bibliothécaire. Non, monsieur, on ne jette pas les livres par terre. Relisez votre fiche. Fiez-vous à l'index. Que faire de cette fiche? Tout est indiqué. Il suffit de décoder. Toutes les données sont là. Le livre, je ne trouve pas. Là. Ici. Où? Là, en haut, hein? Ici, là. Je suis là pour vous aider, faciliter vos recherches. Je mets à votre disposition l'ensemble de nos collections. Recherche simple, recherche avancée. Ah, celui-ci, non, désolé, il est en accès réservé. Désolé pour l'heure de la fermeture. Désolé, fermez pour cause d'inventaire. Allons, monsieur, on vous a déjà expliqué. J'ai affaire. Documenter, plastifier, indexer, trier. Les livres se répartissent en catégories. Ici, l'on copie, pas de pillage. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous entretenons les collections. Nous contenons le désordre. Nous copions encore les pages. Nous copions encore les ouvrages. Les pages manquent. Les ouvrages mentent. Dans le silence de la bibliothèque, nous copions aussi les notices. Nous copions aussi les notices. Vous pouvez consulter les fichiers papier. Faites une recherche dans les livres électroniques. Certains sont déjà numérisés. Ouvrages de référence et musique imprimée. Musique imprimée. Pour emprunter des documents, il faut être inscrit à la bibliothèque. La durée du prêt varie d'un type de document à l'autre. Les amendes sont perçues dès les premiers jours de retard. Les frais engendrés par les dégâts sont à la charge de l'usager. Choix des ressources pertinentes, stratégie de recherche, traitement des résultats, localisation des documents. Utilisez les bases de données. Des zones sont attribuées aux différentes disciplines. Les documents sont classés. Alphanumérique des cotes. Classification décimale universelle. Classification décimale de Dewey. Utilisez les bases de données. De donation en acquisition. La bibliothèque met à disposition. Conserve pour les futures générations. Elles sont nombreuses, les collections. Vous pouvez rencontrer des fantômes. Salle de consultation surveillée. Baissez la tête. Attention à la poutre, ne vous prenez pas les pieds dans le tapis. Vous pouvez rencontrer des fantômes. Pas de souci. Il s'agit d'une feuille ou d'un carton que l'on met à la place du livre emprunté. Les méthodes de classement sont rigoureuses. Méthode classement. AE, IO, 8-1, 8-2, 22, 23, DO, DEL, DA, DAN, DOT, DEN, DOISE, DIC, A, B, C, D, E, F, 2.1, 2.11, 2 blind, destré, dit, mandal, côté, chandu, desnos, debout, intuité, bas, moyen âge, imprimé, rare, prêté, exclu, d'Acunia, d'Imaggio, Debussy, d'Alembert, d'Orgenko, d'Agerman, d'Irauer, du Château, auteur titre, collection, sujet date, édition, Dostoïevski, Donizetti, Djougachvili, Denerea, Dupité, Chantal, Croz, Dickman, Dickens, Deleuze, Debourg, Desmos, Diop, Dal, Doyle, Pro, Dual, Tem, Dot, Tel, Da Vinci, Tessouza, Durenmat, Doolittle, Dumézil, Delesser, Demosthen, De Quincy, De La Creta, Danilovic, De Techterman, De Belianov, Dumitrescu, De La Pietra, Di Stefano, Demetrios, De Bord, De Près, De Fosé, Capturas, Durkheim, Desno, De Bourdiop, Dem, Dan, Dick, Doise, Dot, Da, Do, Derrida, Du Russel, Du Château, Di Rauer, Du Mesil, D'Annunzio, Diogène, Doolittle, Di Stefano, Della Pietra, Danilovic, Della Creta, Donizetti, Giugiaschili, Demerea, Dostoyevski, Dittmann, Dickens, Deleuze, Dalcroz, Deschamps, Debourg, Desnos, Duby, Doum, Doum, Doum, Doum, Didoudam, Didoudam, Didoudam, Kakoudidou, Kakoudidou, Coucou Kouchou, Coucou Kouchou, Coucou Kouchou, Kouchou. Kachou. Kachou. Kachou. Kachou. Kachou. Kachou. Kachou. Kachou. Coucou. Coucou. Cachou. Cachou. Cachou. Nos méthodes de classement sont rigoureuses. Tous ces livres, il faut parfois en élaguer, en mettre à l'index. Une arche en pierre au-delà, je ne sais pas, on ne sait pas, on n'entend pas, on reste interdit, interdit d'accès, il n'est pas question. Pourtant, sous cette voûte d'accès, il n'est pas question. Pourtant, sous cette voûte mal éclairée, fissurée, emmurée, on trouve encore des papiers. Cela reste classé. D'accès, il n'est pas question pourtant sous cette voûte. Je reste sur le seuil, derrière la porte. Il n'y a pour l'œil que des cloportes. Que des cloportes. Il y a là grimoires hérétiques et blasphèmes en pratique. Il y a là rituels de sorcelles et sabbats de Cuba. Il y a là lois de sorciers et foi de charbonniers. L'enfer, dit-il, c'est les autres. Il y a là fornication bannie et lubriques infamies. Il y a là sodomite en chair et godemiche en os. Il y a là horde de butins et fiel de puritains. L'enfer, dit-il, est denté. Il y a là pamphlets misérables et déversoirs insatiables. Il y a là faux protocoles de sages et ramassis de messages. Il y a là négation, révision et un comique à la télévision. L'enfer, dit-il, n'a plus de saison. On reste interdit. Mais l'enfer, c'est autre chose. Clé qui n'ouvre nulle part. Porte sans clé. Les choses ont bien changé. Mise à l'index. auto-da-fé. Souvenez-vous des bibliothèques trouées. Elles sont toutes. Souvenez-vous des bibliothèques trouées. Des auteurs manquants. Ils n'étaient pas les seuls. On dit que Charles-Valentin Alcan, compositeur, est mort dans son lit en 1888, écrasé par sa bibliothèque. Sachez aussi que la bibliothèque de l'Université d'Indiana s'enfonce d'un pouce chaque année. Lorsqu'elle a été construite, les ingénieurs ont oublié de prendre en considération le poids des livres qui occuperaient l'édifice. Les livres sont coûteux. Ils sont fragiles. Ils ne valent rien. Ils sont lourds. Ils sont hors de prix. Ils sont encombrants. Ils ne valent rien. Ils sont fragiles, ils sont lourds, ils sont coûteux, ils sont encombrants, ils sont hors de prix. Nous avons la solution. Numérisation. Numérisation. Libre de droit, gros contrat. Mainmise virtuelle sur la bibliothèque universelle. Si celle d'Alexandrie était encore debout, quelle ruine ? De quelle ruine parlez-vous ? Êtes-vous allé sur place ? Avez-vous constaté la casse ? Non, poussière de poussière. Mais les sables, eux, vous ensevediront. Restez dans votre salon. Beaucoup de gens meurent chaque année dans les bibliothèques. La bibliothèque s'écroule. La bibliothèque s'effondre. La bibliothèque s'affaisse. La bibliothèque s'écroule. On entend des bruits de pas et puis plus rien. Plus rien. des cendres. Rien que des cendres. Il faut recommencer. Reconstituer. Qui détermine ce qu'il faut conserver? Au marché aux puces, tout est déballé. Choisir, acquérir, reconstruire. Une bibliothèque privée. Dilapider. Dilapider. Dans la bibliothèque éventrée, 30 billots font leur entrée. Exécuter la requête, couper un certain nombre de têtes. Dilapider. Dilapider. Des coupes au ciseau. Il faudra la reconstituer. En attendant, les écrits restants aux quatre vents. Il faut copier les textes sous peine de mort. Il faut copier les textes sous peine de mort. Les textes. Entrelacer les textes. Esserveler les textes. Écarteler les textes. Écarquiller les textes. Écarteler les textes. Esserveler les textes. Entrelacer les textes. Esserveler les textes. Écarteler les textes. Écarquiller les textes, écarteler les textes, esserveler les textes, entrelacer les textes, esserveler les textes, écarteler les textes, écarquiller les textes, éparpiller les textes, éparpiller les textes, éparpiller les textes, éparpiller les textes.